autrefois. Et c'est quand même quelqu'un qui n'est pas trop nécessaire de présenter. Et puis Lyotard, qui est philosophe à l'Université de Paris. Alors je remarque que ces deux universités, la lettre des deux présidents aux universités, hein, a suscité la réponse de Madame Fioraso, clarifiant le fonctionnement des communautés d'université dans un sens tout à fait négatif. Je voudrais quand même articuler les deux faits. Le séminaire d'aujourd'hui s'intitule « Le long terme des réformes », le SR, enseignement supérieur et la recherche, où effectivement c'est bien de le préciser, est-il soluble dans le marché ? À cette question, je crois que Madame Pécresse, qui avait une conception cohérente, répondait oui. Madame Fioraso ne sait pas comment répondre. Et donc c'est une grande caractéristique du gouvernement actuel. Vous direz que si elle ne sait pas comment répondre, il y a une solution bien simple, ce serait de demander à des chercheurs. Mais manifestement, ça n'est pas la voie dans laquelle il se dirige. Alors moi, c'est la simple, avant de passer la parole à Michel, je crois qu'on, le long terme des réformes, on rentre dans une troisième phase. Et je pense que, j'espère d'ailleurs un petit peu, que d'ici quelques temps, à la rentrée prochaine, il y aura un mouvement qui redémarrera. Et sur ce qui est logiquement l'enjeu nouveau des réformes, c'est les droits universitaires. Et là, l'université, elle est vraiment soluble dans le marché de ce point de vue. Alors, on est enregistré, donc vous avez vu que le président de notre établissement a pris en tant que directeur d'études, d'ailleurs, et non pas en tant que président de l'HESS, position pour l'augmentation des droits. Vous vous rappelez que lors des négociations, l'UNEF, ce qui était relativement normal, avait dit « Nous voulons bien tout ce que vous voulez, mais vous ne touchez pas aux droits ». Ça, c'est la technique de la négociation qui est propre à la CNDT. Hein. Donc, on pose une revendication, on essaye de la faire aboutir, puis sur tout le reste, on accepte les propositions des autres, en particulier du pouvoir public et du patronat. Maintenant, ce succès, qui était incontestable, est remis en cause, et là, pour des raisons qui sont tout à fait claires. J'emprunte au dernier numéro, le numéro I, de mars 2014 du SNESUP, une citation d'un ouvrage paru à la découverte en 2011 de Laval, Vergne et Clément. Le développement de l'endettement des étudiants ne pourra que consolider le rapport strictement marchand que la plupart des individus normaux, entre guillemets, seront conduits à entretenir avec les institutions d'enseignement, devenues elles-mêmes des instruments de contrôle des individus, même selon le seul motif de l'intérêt pécuniaire. Cette dette a en effet un effet disciplinant, puisqu'elle contraint à penser ses études comme un investissement financier, et à se penser soi-même dans une perspective d'investisseur. Vous empruntez pour investir dans vos études, avec cette différence que quand vous... C'est la crise des subprimes. Vous pouvez toujours vendre votre maison si vous n'êtes pas capable de rembourser l'emprunt que vous avez contracté. Vous ne pouvez pas vendre votre diplôme pour rembourser l'emprunt. Et vous savez que ça a créé des difficultés sociales très fortes aux États-Unis au plein moment de la crise. Des difficultés qui sont évidemment nullement terminées. Alors là, je crois que c'est vraiment une excellente illustration de ce que c'est que la solubilité imaginaire de l'enseignement et de la recherche dans le marché. Parce que c'est la réponse qu'on pourrait faire à notre président, qui est économiste, notre ami Pierre-Cyril Auqueur, hein, c'est que si si les, grâce à leurs études, les étudiants, tout au moins certains étudiants, vont obtenir de hauts salaires, c'est une perspective potentielle que nous leur souhaitons tous, d'ailleurs. Mais il y a une solution bien simple pour régler le problème, c'est de leur faire payer des impôts proportionnels aux salaires qu'ils toucheront quand ils auront vraiment ces salaires mirobolants. Mais quand ils sont étudiants, est-ce que c'est la peine de leur en sonner, même s'ils viennent de milieux relativement aisés? C'est ce dont je me permets de douter.